technique RESCON, respiration énergétique. Cette technique permet la captation de l'énergie vitale de type yang et de type yin. Elle doit être pratiquée le plus souvent possible car elle permet une réénergisation du corps. Pour bien faire comprendre le mécanisme de l'ouverture des capteurs d'énergie, nous avons développé deux exercices particuliers. Ouverture du capteur yang. On se couche sur le dos, les bras le long du corps, bien relaxés. Étant donné que c'est la respiration abdominale exclusivement qui permet l'ouverture du capteur yang au niveau du nez, nous pratiquerons donc cet exercice en respiration abdominale. Les épaules ne doivent pas bouger. Nous allons pratiquer la technique du reniflement. Nous allons donc renifler. Lorsque nous voulons renifler dans la partie externe du nez, nous contractons toujours violemment les muscles abdominaux. Alors, c'est ce que nous allons pratiquer. On va contracter, donc inspirer rapidement, uniquement au niveau de l'abdomen. On y va 3 fois. Lorsque l'on inspire violemment, uniquement au niveau de l'abdomen, on doit sentir la pression de l'air au niveau de l'extrémité du nez. Cette partie peut même bouger quelque peu. On recommence, inspiration abdominale uniquement, en reniflant, 3 fois. Chaque fois que nous inspirons abdominalement, en ayant conscience de la présence et du passage de l'air à l'extrémité du nez, nous ouvrons le capteur yang. On va donc faire un exercice de respiration énergétique yang par la respiration abdominale, consciente. Bien relaxé. On inspire 10 fois de suite uniquement avec la partie abdominale, tout en entendant, en sentant et en conscientisant le passage de l'air à l'extrémité du nez. On peut donc faire un peu de bruit pendant cette inspiration, histoire de s'entraîner. On y va. Lorsque vous sentez bien l'air passer à cet endroit, alors vous pouvez poursuivre avec le deuxième exercice. Sinon, on doit s'entraîner à bien contrôler l'ouverture du capteur yang. Respiration énergétique, ouverture du capteur yin. Comme nous le savons maintenant, la respiration sous-clavière est celle qui ouvre le capteur yin. Celui-ci se trouve près de la cloison nasale, entre les deux yeux. nous allons pratiquer la technique du reniflage. Mais cette fois-ci, nous allons inspirer et expirer uniquement par le système sous-clavière. L'abdomen ne bouge pas. Reniflage, trois fois, uniquement en bougeant les épaules. On y va. On doit sentir le passage de l'air, surtout au niveau de la cloison nasale, là où se trouve le capteur Yin. On reprend jusqu'à ce que vous contrôliez bien le passage de l'air dans le capteur Yin, en inspirant par les sous-clavières uniquement. Cinq fois encore. Lorsque cela est bien assimilé, on va se lever et s'asseoir. La position la plus parfaite est la position à genoux. Mais on peut aussi pratiquer l'exercice assis sur une chaise, la colonne vertébrale droite, les mains reposant sur les cuisses, les épaules décontractées. On va pratiquer une respiration en deux volets. 8, 8, 8, 8. Inspiration très lente pendant 8 battements cardiaques. Rétention pendant 8 battements. Expiration lente pendant 8 battements. Et rétention à vide pendant 8 battements. Si vous avez de la difficulté, diminuez le rythme à 6, 6, 6, 6 ou bien à 4, 4, 4, 4. Cette technique respiratoire en deux volets est une respiration énergétique. On doit, pendant l'exercice, fortement conscientiser le passage de l'air dans la partie yang, dans la partie yin, à l'inspiration comme à l'expiration. On relaxe, bien assis. On y va. Inspiration abdominale uniquement pendant 4 battements cardiaques. Par la suite, on poursuit l'inspiration sous clavière, les 4 battements qui suivent. Départ. On retient 8 battements cardiaques. Expiration abdominale, 4 battements. Poursuite, expiration sous-clavière, 4 battements. Vide, 8 battements. Il est important d'aller à son rythme. Nous pouvons donc le faire 4, 4, 4, 4, ou bien 6, 6, 6, 6, et finalement, on doit atteindre le 8, 8, 8, 8. On reprend. Inspiration, et on garde toujours bien conscient la présence de l'énergie yan pendant l'inspiration abdominale, de l'énergie yin pendant l'expiration sous clavière, de même pendant l'expiration. Il faut parvenir à sentir tous les mécanismes en même temps. On y va. pratiqué une vingtaine de fois cette respiration énergétique. Quand vous l'aurez bien assimilé, évidemment, vous n'aurez plus besoin de pratiquer les exercices précédents. La seule respiration que vous devrez pratiquer quotidiennement est la respiration en deux volets énergétiques, donc avec ouverture des capteurs yin et yang.